un portrait, une simple photo d'identité. Celle d'un jeune homme vêtu d'un blouson militaire en gros drap, tel qu'en portaient autrefois les Troufions. Le cheveu écranté, le sourcil épais, l'homme à l'évidence est un costaud. Et pourtant, dans le regard rêveur, dans la bouche aux lèvres délicatement ourlées, dans l'ovale du menton, il y a quelque chose de féminin. Henri Nanot, poète et paysan, ou plutôt d'abord paysan, puis poète. Nanot, un fantôme qui hante toujours certaines mémoires limousines, car le fou dérange encore, le fou oui, mais n'appelait-on pas son chef de maquis, le légendaire Georges Guingouin, le fou des bois ? Guingouin, victime lui aussi d'une justice et d'une police revancharde qui ne pouvait pas oublier leur collaboration ou leur connivence avec les autorités de Vichy. Guingouin, le préfet du maquis, comme on l'appelait aussi, nous en avons parlé avec M. X il n'y a pas si longtemps. Et nous avons démonté la machination qui a conduit le héros de la Résistance, compagnon de la Libération, en prison et même brièvement dans un hôpital psychiatrique. Et l'histoire de Nanot, le poète paysan qui a combattu sous ses ordres, n'est pas sans rappeler celle de Guingouin. À la différence près que les hommes qui se sont acharnés contre lui ont eu raison de sa santé mentale et l'ont finalement conduit à la mort. J'ai évoqué l'affaire du colonel Guingouin. Je ne sais plus si quelle était l'expression que j'ai employée, mais j'ai dû vous dire qu'il s'agissait de l'une des histoires les plus infâmes dont j'ai eu connaissance. Eh bien, pour Henri Nanot, c'est encore pire. Mais pourquoi exactement ? Guingouin, lui, avait du répondant. C'était un personnage reconnu, considéré comme un héros, même si on a tout fait pour le salir. Par conséquent, de nombreuses personnalités issues de la Résistance sont venues à son secours. Même le général de Gaulle, m'avez-vous dit. Oui, oui, oui. De Gaulle, qui, depuis sa retraite de Colombey les Deux Églises, a tenu à faire savoir quelle estime il portait aux résistants et à l'homme. Et pour Nanot, rien de tout cela, car ce n'était qu'un modeste paysan. Ce dont il était fier, d'ailleurs. Il adorait son métier, sa région et ses terres. Alors, qui était-il et d'où venait-il ? Nanot, il faut le dire tout de suite, ce n'était pas un personnage ordinaire. Et il ne faisait rien pour qu'on l'ignore. Un personnage un peu encombrant, c'est ça ? Et un colosse. En tout cas, un type qui ne pouvait pas passer inaperçu tant il débordait d'enthousiasme. Imaginez-le, par exemple, sur les marchés de la région. Lui, au milieu des fermières qui vendaient leurs poules ou leurs bottes de légumes, il sortait de sa musette des piles de fascicules de ses œuvres poétiques et il les proposait à la vente. Original. Oui, oui, c'est une épithète qui lui va bien. Original parce qu'il ne faisait rien comme les autres. Ou plutôt parce qu'il ne pensait pas comme les autres, et qu'il n'hésitait pas à le dire, ce qui a fini par lui coûter très cher. Enfin, n'allons pas trop vite. Il est longtemps. Alors, vous me demandiez d'où il venait. Nanot est né au tout début des années 20, dans un hameau du Limousin. Donc, famille d'agriculteurs. Petits agriculteurs, oui. Le père a rapporté de la Grande Guerre une jambe de bois et quelques décorations, dont la Légion d'honneur. Quand même. Plus embêtant, il a aussi pris goût au pinard, que l'armée distribuait généreusement aux poilus. Mais lorsqu'il est à jeun, c'est un homme très intelligent. Et la mère ? Bon, c'est une femme simple et courageuse, et qui saura faire preuve à l'occasion d'une remarquable présence d'esprit. Sous l'occupation, par exemple. Un jour, des policiers viennent perquisitionner la ferme familiale où Henri Nanot cache des bâtons de dynamite. Il est déjà résistant, là. Oui, oui, ça se passe très mal parce que le jeune homme commence à insulter les policiers. La situation devient vite très tendue. Nanot cache une arme dans sa poche. Quant au père, malgré sa jambe de bois, il s'est saisi d'une barre de fer. La mère a compris le danger. Et tout en hurlant, elle prend un sac de farine et le renverse sur le tas de fumier de la cour. Un véritable sacrilège à une époque où la précieuse farine était rare, rationnée et faisait l'objet de réquisitions de l'occupant. Et pour faire bonne mesure, elle jette par-dessus les décorations de son époux. Résultat ? Les policiers sont tellement ébahis qu'ils vident les lieux sans autre forme de procès. Toutefois, ils reviendront quelques jours plus tard. Et la mère de Nanot sera conduite dans un camp d'internement où elle restera 2 mois. Quoi qu'il en soit, grâce à cette diversion, les policiers n'ont pas trouvé la dynamite. Quant à Nanofis, il fera l'objet d'un rapport de police où on le décrit comme déséquilibré, irresponsable, dégénéré et alcoolique. Une réputation qu'il suivra longtemps. Qu'y a-t-il de vrai là-dessous là ? C'est un original, je vous l'ai déjà dit. Ça, oui. Un exalté, un provocateur né. Quant à l'alcoolisme, non. Et au contraire, c'est parce qu'il ne boit pas que ses camarades de maquis le surnomment par dérision Chopin. En effet, oui. Il me faut aussi mentionner, dans la famille Nano, un autre personnage, un oncle, qui aura une grande influence sur son neveu. Professeur supérieur. C'est l'équivalent de nos collèges. Hein. C'est ça, oui. Nano n'est pas un élève facile. Plutôt bagarreur et indiscipliné, il n'hésite pas à contredire les professeurs qui ne lui plaisent pas. Toutefois, il brille en français. Et il s'arrête là Après avoir obtenu son brevet, oui. Certes, il aurait pu aller plus loin et peut-être même devenir instituteur, mais sa vocation, c'est la terre. Parce que, dira-t-il plus tard, la seule vraie vie libre, c'est la vie de paysan. Ouais. Il a déjà de solides convictions. Ah, mais les convictions de gauche. Mmh. Et son séjour sous les drapeaux va les renforcer. Curieusement, ce jeune homme est pris de liberté, devance l'appel et s'engage dans l'armée de l'air. Il y apprend à piloter, mais il découvre surtout un état d'esprit profondément réactionnaire. Le moins droitier des élèves pilotes, confiera-t-il, était bonapartiste. En effet, oui. Ce fils de paysan, peu apprécié par ses condisciples, devient farouchement antimilitariste et pacifiste. Ce qui ne l'empêchera quand même pas de s'engager dans la résistance, les armes à la main. Hein, oui. Mais le maquis, même sous la sévère férule d'un guingouin, ce n'était pas l'armée. Et puis il y avait la lutte légitime contre l'occupant. Toutefois, sa vie sous l'uniforme lui permet de faire une rencontre qui va bouleverser son existence. Qui ? André Breton. Le surréaliste. Breton est alors infirmier dans l'armée de l'air. Bien sûr, Nano n'a jamais entendu parler ni du surréalisme ni de Breton, mais le poète et le jeune paysan sympathisent. Breton lui fait découvrir Baudelaire. Pour Nano, c'est une vraie révélation. La révélation de la poésie. Et dès lors, le jeune homme ébloui connaît une véritable soif de lecture. Mais il va aussi se mettre en tête d'écrire, non sans talent. Et il faut noter qu'il restera en relation avec Breton. Le poète surréaliste publiera même un texte de Nano dans sa revue. Une nouvelle où il relatera avec humour cette scène de la perquisition dont je vous ai déjà parlé. Cette publication par Breton, c'est une reconnaissance. Hein? Ah, certainement. Mmh. Enfin, poursuivons. Nano est démobilisé quelques semaines après l'armistice en août 1940. Et tout naturellement, il retrouve la ferme familiale. Son autre passion. Évidemment. Nano, qui est une force de la nature, travaille dur et aide ses parents. Et bientôt, ceux-ci, malgré leurs conditions modestes, pourront lui permettre de s'installer chez lui dans une localité proche. Ça ferme, quoi. Mmh. Et quand entre-t-il dans la résistance? Le moment exact, je ne sais pas. Sans doute vers 1943. Mais peut-être a-t-il auparavant pris part à quelques actions. Il faut dire que, très tôt, un puissant maquis s'est implanté dans cette région accidentée où les résistants peuvent vivre à l'abri de la forêt et avec la complicité des paysans qui les ravitaillent. Je vous rappelle, car nous en avons parlé à propos de Guingouin, qu'il existe alors des zones où policiers, miliciens et allemands ne peuvent même pas pénétrer. Mmh. C'est pourquoi le colonel Guingouin sera surnommé le préfet du maquis. Hein. Ah, bien sûr, parce qu'il y règnera en maître. Mmh. Et que fait précisément Nano? Oh, ben, il agit comme les autres. Il s'occupe de récupérer les parachutages des forces alliées. Il crapahute dans les bois. Il participe à des embuscades ou des sabotages. C'est une existence à la fois périlleuse et exaltante. L'aventure, le danger, la camaraderie, ça ne pouvait qu'enthousiasmer Nano. Et l'écriture, hein? Ah ben, il prend des notes et en tirera d'ailleurs un récit plus tard qu'il éditera à compte d'auteur. Scène de la vie du maquis. Mmh. Alors, quand vient la libération? Nano n'est pas du genre à se pavaner ou à quémander des honneurs. Non, le sergent résistant Nano retourne tout simplement à sa ferme. Mais il ne se désintéresse pas pour autant de la vie publique. Ce naïf a d'abord adhéré au Parti Socialiste, mais il s'en sépare rapidement. Pourquoi? L'attitude des socialistes de la région a été très discutée. Certains ont pris fait et cause pour la résistance, d'autres, au contraire, ont fait preuve d'un attentisme prudent. Et une minorité a même pactisé avec Vichy. On verra ainsi un homme exclu du parti pour son attitude sous l'occupation revenir seulement 3 ans après la libération à la direction du quotidien socialiste local. Le populaire. Oui. Ouais. Il existe en outre chez certains dirigeants socialistes une volonté de revanche. Pardonnez-moi de revenir encore une fois sur ce que j'ai déjà dit à propos de l'affaire Guingouin. À la libération, le préfet du maquis entre en triomphateur dans l'immeuble. Guingouin qui est communiste, il faut le rappeler. Hein. Ouais, un communiste qui fait peu de cas de la discipline de son parti. Et ça explique en partie ses futurs déboires. En tout cas, Guingouin s'installe à la mairie de Limoges, traditionnellement occupée par les socialistes. Ouais, ça provoque des inimitiés. Pas forcément, et la SFIO parviendra à reconquérir la mairie. En tout cas, ces querelles ne plaisent guère à Nano. Il quitte les socialistes et adhère au Parti communiste. Un parti, il faut le préciser, fortement implanté dans la région. C'est exact. Mais en 1956, après la répression soviétique de la révolution hongroise, Nano rompra avec les communistes, et on ne lui pardonnera pas. C'est donc un homme seul qui devra se débattre dans le piège qu'on va lui tendre. Monsieur X a évoqué l'ouvrage publié par Henri Nano, Scène de la vie du maquis. J'en extrais ce passage caractéristique à la fois du style de l'auteur et de sa personnalité. L'immense popularité du maquis était due en partie aux émissions de la BBC, mais elle provenait aussi pour une grande part des premiers hors-la-loi, à ceux qui étaient entrés dans l'illégalité à une époque où il fallait encore du courage. Ils avaient mis fin au scandale ahurissant de la famine dans les campagnes. Ceci n'est pas de l'ironie. À une certaine époque, les paysans limousins manquaient de ce blé qu'ils avaient semé. On leur remettait un petit nombre de kilos d'une mixture noirâtre appelée farine, capable de tuer les taupes. Il fallait tamiser cette mauvaise farine pour en faire du pain à peu près mangeable. La quantité étant ridiculement insuffisante, les paysans menaient moudre en fraude en pleine nuit. La peur de la police était telle que les gens confectionnaient deux ou trois pains noirs réglementaires pour offrir aux visiteurs suspects et cachaient les autres, plus blancs, pour leur consommation. C'est ainsi que si Jean-Jacques Rousseau était redescendu sur la terre en cette fin d'année 1942, vers le milieu du règne du sinistre vieillard, il se serait cru au bon vieux temps. Heureusement, les premiers hommes des bois firent cesser ce paradoxe. Les meuniers se virent obligés de fournir de la farine blanche. Les gendarmes, mis à la raison, fermèrent les yeux. Les presses à fourrage qui enlevaient, au profit de l'armée allemande, les fourrages déjà si rares partout, sautèrent en de nombreux endroits à l'aide de boîtes à essieux de charrettes remplies de mauvaise dynamite. Alors ce piège qu'on va tendre à Nano, selon vous, hein, de quelle nature ? Excusez-moi, mais un mot avant. Mm-hmm. Au début des années 50, Nano fait une expérience conjugale sans lendemain. C'est-à-dire ? Ben, il fait une rencontre, il se marie, mais il réalise rapidement qu'il n'est pas fait pour le mariage et il se sépare de sa femme. C'est banal, ça. Hein. Pas tant que ça, à l'époque. Hein. Et puis surtout, il y a un enfant, un garçon. Mais Nano n'est pas plus père que mari et il ne s'occupera guère de l'enfant. Vous voyez que je n'encense pas systématiquement Nano. Oui, j'ai bien compris. Alors, le piège, quand même. Alors. Encore un instant. Il me faut reparler de Guingouin. Vous vous souvenez de la genèse de l'affaire ? Oui, des exécutions attribuées à tort à l'ancien résistant. C'est ça, oui. Le héros exemplaire est maintenant accusé d'avoir terrorisé le Limousin sous l'occupation. Et se forme contre lui une curieuse alliance. Il y a des communistes qui brûlent de se débarrasser d'un homme rétif à toute discipline de parti, des socialistes qui, nous en avons déjà parlé, n'ont pas fait preuve d'une activité débordante contre l'occupant, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, et puis il y a d'anciens collabos. Ouais. Et ceux-là ont des raisons évidentes d'en vouloir à Guingouin, et plus généralement résistants. Et ils sont nombreux. L'épuration a été clémente, en particulier pour les policiers et les magistrats. Les magistrats, qu'il faut le rappeler en passant, ont prêté serment à Pétain. Hein. Ah, sauf un. Ouais. Donc, tous ces gens sont souvent restés en place et rêvent de revanche. Et ils vont monter en épingle trois épisodes sanglants qui ont eu lieu en juillet 44 à Chambray pour fabriquer plus de 10 ans après la libération une véritable machination contre Guingouin. Il faut avoir à l'esprit cette affaire pour bien comprendre ce qui va arriver à Henri Nano. Alors quoi exactement ? Ça commence en mars 1957. Marcel Champex, l'homme fort de la SFIO dans la région, découvre une bombe posée contre un soupirail de sa maison. Heureusement, la mèche a fait long feu. Mmh. L'engin n'a pas explosé. En effet. Mmh. Un mot peut-être sur ce notable socialiste-là. Champex, ce personnage truculent, a vraiment commencé sa carrière politique sous le Front Populaire en se présentant aux élections législatives en Corrèze. Mais il est battu. Il prendra sa revanche à la libération. Mmh. Pendant la guerre ? Il a une conduite impeccable. Il a rejoint les rangs des FFI. Arrêté par la Gestapo, il a été déporté à Mauthausen. Membre de l'Assemblée constituante, il a ensuite rejoint le Sénat, qu'on appelait alors le Conseil de la République. Il sera réélu à plusieurs reprises. Mais ce qui nous intéresse précisément dans l'histoire de Nano, c'est que Champex, en 1957, est entré dans le gouvernement de Guy Mollet. Avec quel portefeuille ? Il est secrétaire d'État chargé des affaires algériennes. Il occupera d'ailleurs la même fonction dans le gouvernement suivant, celui de Bourgès-Manoury. Mmh. Un poste sensible, alors que Guy Mollet vient de décider d'envoyer le contingent en Algérie. Hein. Et que l'armée va employer des méthodes que l'on sait dans son combat contre les nationalistes algériens. Une torture, par exemple. Oui, enfin, c'est d'ailleurs aussi en mars 57 que le général Paris de la Belardière demandera à être relevé de son commandement, justement pour protester contre la torture. Mais enfin, revenons à cette tentative d'attentat. La police arrête assez rapidement un ouvrier carrier, un certain Mathieu. Parce qu'un carrier peut disposer d'explosifs. Ben, naturellement, Mathieu, un jeune homme frustre, avoue et dénonce deux hommes, ses complices. Deux militants communistes qui, eux, nient vigoureusement avoir été mêlés à cet attentat. Et bien sûr, la presse communiste locale parle de provocation policière. Mais alors que ce Mathieu est toujours incarcéré, un nouvel attentat vise la maison des Champex au mois d'avril. Et cette fois, l'engin explose. Avec quelles conséquences ? Il n'y a pas de blessés, et les dégâts sont mineurs. Seule la façade de la maison est légèrement endommagée. Donc Mathieu, qui est emprisonné, est mis forcément hors de cause. Ah bah pour ce deuxième attentat, oui. Mais il demeure néanmoins emprisonné encore quelque temps. Toutefois, ce qui attire l'attention des policiers, c'est un écriteau cloué le lendemain sur un arbre, devant la maison du secrétaire d'État. Un écriteau sur lequel on lit « Paix en Algérie, honte aux tortionnaires, flics et parrains ». Ouais. Et ça alerte les policiers. Oui, parce qu'ils pensent assez vite à Nano. Nano qui n'a jamais caché son hostilité à la guerre d'Algérie. La pacification, comme on dit encore pudiquement. Hein. Ou même les événements d'Algérie, car le mot « guerre » est tabou. Et c'est parfaitement hypocrite, inutile d'insister là-dessus. Alors Nano, il reconnaît facilement être l'auteur de ces slogans pacifistes placardés devant chez Champex, le secrétaire d'État aux affaires algériennes. Oui, toutefois, ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur des attentats. Hein. Bien évidemment. Mais les policiers ont trouvé le bouc émissaire idéal et ils ne vont plus le lâcher. Fin mai, il se présente chez Nano et il perquisitionne. Ce n'est que la deuxième fois pour lui. Enfin. Oui, oui. Et il trouve quelque chose ? Je vais employer le conditionnel, car dans cette histoire, les faits sont bien imprécis. Alors, bon, allons-y quand même. Les policiers auraient déniché dans la ferme une poudre d'explosifs semblable à celle qui aurait été utilisée lors du deuxième attentat contre la maison de Champex. Enfin, ce n'est pas très étonnant. Un agriculteur peut avoir besoin d'explosifs pour des souchers, par exemple. Mmh. Et Nano a expliqué que c'était un ami carrier qui les lui avait procurés. Et puis, bon, dans le cas d'une bombe, il faut quand même savoir manier les explosifs. Hein. D'accord, mais enfin, n'oubliez pas que le résistant Nano avait une certaine expérience. Un argument qui pouvait aussi se retourner contre lui. Ah, ça, je suis d'accord. Plus rocambolesque. Ces policiers vont aussi trouver dans un champ, présumé appartenir à Nano, une entretoise de charrue. Or, dans la deuxième bombe, l'artificier aurait utilisé des morceaux de fonte semblables. Conclusion ? Nano est immédiatement embastillé. Et il est aussitôt passé à tabac. Torturé ? On peut le penser, oui. Des méthodes que ces policiers avaient peut-être expérimentées quelques années plus tôt. Sous l'occupation, oui. Pourquoi pas ? En tout cas, cette séance nocturne est si violente que Nano doit être conduit à l'hôpital dès le lendemain matin. Il faut rappeler que Guingouin a connu le même sort. Hein. Mais peut-être s'agissait-il des mêmes tortionnaires. Quoi qu'il en soit, Nano se trouve donc dans un état lamentable. Et il doit sans doute à son physique exceptionnel d'être encore vivant. À noter que la direction de l'hôpital se refusera toujours à donner des détails sur son état physique lorsqu'il a été admis dans l'établissement. Il survit donc, mais il est tellement sonné que 3 jours plus tard, il est envoyé dans un asile d'aliénés. Okay, il a perdu la raison ? Momentanément, oui. Et ça permet aux journaux d'écrire un peu plus tard que l'auteur des attentats a été appréhendé. C'était un déséquilibré, un fou. Ouais, la messe est dite, quoi. Ben forcément. Tout le monde se satisfait de voir l'affaire résolue. Même les communistes se réjouissent. Car leurs 2 militants sont reconnus innocents et bénéficient d'un non-lieu. Oui, le Mathieu, là Il a tellement varié dans ses déclarations qu'il demeurera encore quelques semaines en prison. Bon, Nano, lui L'affaire est loin d'être terminée. Une dizaine de jours après son arrestation et son passage à tabac, Marcel Champex fait encore parler de lui. Une histoire si confuse qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Quoi, un nouvel attentat ? Oui, des coups de feu contre la voiture du sous-ministre qui rentrait chez lui à Masseret. René Rougerie, artisan-éditeur limousin, a consacré un ouvrage à Henri Nano, Un amour fou de liberté. Il reproduit une lettre que Henri Nano a envoyée à André Breton quelques jours après les attentats perpétrés contre Marcel Champex, c'est-à-dire à un moment où il est encore libre. Et il ironise en parlant du secrétaire d'État aux affaires algériennes. Il prétend avoir échappé à de terribles attentats et accuse un instituteur avec qui il avait eu une vieille histoire de femme. La vérité, mystère et pâté de foie gras. S'y joint les coupures des deux camps. La prison de Tulle va peut-être se repeupler comme au temps des scandales policiers de Chambéret. En tout cas, l'explosion a fait du bruit. À 6 kilomètres à vol d'oiseau, je l'ai entendu contre le vent, mais j'ai pensé au coup de fusil d'un chasseur contre quelques rapaces nocturnes, ce qui est fréquent. Mais le bruit était un peu plus fort. Le jour suivant, une usine a flambé appartenant à un de ses parents, et ce n'était peut-être pas pour toucher une bonne assurance, comme tout le monde dit. En tout cas, le pays grouillait de flics. Ils auraient dû voir le saboteur, s'il existait. Pour ma part, je me suis conduit comme un gamin. Vais-je retomber en enfance à l'âge adulte? J'avais préparé un écriteau portant en grosses lettres « Paix en Algérie et honte aux tortionnaires flics et paras ». Je l'ai cloué en plein jour, le 12, foire Masseret, sur le tronc d'un petit sapin en face du château bombardé. Heureusement, aucun policier ne m'a vu. Sans cela, je moisirais peut-être en ce moment à la prison de Tulle. Mais, quelques jours plus tard, Nano sera effectivement emprisonné. Très curieuse, cette nouvelle histoire d'attentat. La voici en deux mots. Une nuit, le secrétaire d'État quitte Limoges pour rejoindre le bourg dont il est maire, Masseret. Exceptionnellement, il a pris place dans une voiture de gendarmerie. Mais pour quelle raison, il se méfie? Ça me semble évident. Cependant, on ne saura pas exactement pourquoi, ni même s'il a reçu des menaces. Il y a quand même la guerre d'Algérie. C'est vrai. Derrière la voiture, où a pris place Champex, se suit son auto personnelle, conduite par un capitaine de gendarmerie. Et soudain, à une dizaine de kilomètres au sud de Limoges, ce deuxième véhicule va au fossé et fait plusieurs tonneaux. Sain et sauf, l'officier de gendarmerie affirmera qu'on lui a tiré dessus. Tire sur l'auto qu'aurait dû occuper Champex, hein? Mais c'est pas sûr. En effet, car il y aura plusieurs versions. Il faut toutefois observer que Champex fera preuve dans cette affaire d'une très grande prudence. Il mettra les journalistes en garde. Surtout, ne brodez pas, vous auriez tort. Mais ça veut dire qu'il ne croit pas forcément à la version du gendarme, hein? Et franchement, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne fera guère de grands titres. Pourtant, ce n'est pas tous les jours qu'on tire sur la voiture d'un membre du gouvernement. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et Nano, Il ne peut pas être mis en cause, car à l'époque, il était déjà enfermé. Oui. Mais des amis auraient pu tenter de le venger, non? Improbable. Nano est un homme seul. Malheureusement, car ils sont bien peu nombreux ceux qui se préoccupent de son sort. À part sa famille, évidemment. Les communistes avec lesquels il a rompu après les événements de Hongrie n'ont guère envie de le soutenir. D'autant que s'il commence à s'engager contre la guerre d'Algérie... Après avoir voté en faveur de l'envoi du contingent... C'est juste. Mais enfin, ils sont opposés à toute action violente. Ils désapprouvent même ceux de leurs militants qui refusent d'aller faire leur service militaire en Algérie. Et puis pour eux, ce Nano qui a combattu dans les maquis de Guingouin est un personnage suspect. Un irresponsable et un provocateur dont il convient de se méfier. Quant aux socialistes, ça nous en avons déjà parlé. Aucun soutien à attendre de leur part. Surtout que c'est un des leurs qui a été visé. Bien sûr. Ouais. Et au fond, l'arrestation de Nano arrange tout le monde. À commencer par ceux qui n'ont pas eu une attitude très nette sous l'occupation. Le fou a été mis en état de nuire et c'est très bien comme ça. C'est l'opinion que prévaut dans le Limousin. Le fou, oui. Car à l'asile, puis en prison, Nano paraît vraiment avoir sombré. Et quand sa sœur vient le visiter, c'est à peine s'il la reconnaît. À cause des mauvais traitements qu'il a subis? C'est certain. Dans ces conditions, la défense de Nano est bien difficile. Oui, c'est une cause perdue d'avance, là. Oui. Un, puis deux avocats se récusent. Et la famille n'a guère les moyens de solliciter un ténor du barreau. C'est donc un avocat commis d'office qui le défendra lors de son procès. Et malgré l'extrême légèreté des faits qui l'accusent, Nano, au cours d'un procès expéditif, est condamné à 5 ans de réclusion. Seul... deux personnes sont venues témoigner en sa faveur. Sa sœur, qui se dit persuadée de son innocence, et un inspecteur de l'éducation nationale, un ami d'André Breton. 5 ans, quand même, c'est une peine très lourde pour un fait relativement mineur qui n'est pas prouvé en plus. Oui, mais enfin, fallait marquer le coup. J'ajoute que cette condamnation intervient dans un parfait climat d'indifférence. C'est à peine si la presse locale rend compte du procès. Revenons toutefois sur ces preuves... que vous avez vous-même qualifié de légère. Il y en a deux. Les explosifs... Mais fournis par un carrier. Oui, un carrier qui viendra affirmer que Nano en avait besoin pour se débarrasser de vieilles souches. La deuxième preuve, c'est cette entretoise de charrue. Nano a beau faire observer qu'elle n'est pas du même métal que celui utilisé pour confectionner la bombe. On ne tient absolument pas compte de ces dénégations. En fait, il n'y a eu aucune expertise sérieuse. Et tenez-vous bien... même ses relations avec les surréalistes seront retenues contre Nano. Mais pourquoi, c'est-à-dire? Le président de la cour d'assises n'hésitera pas à affirmer que le déséquilibre mental de l'accusé trouvait sa source dans sa lecture du manifeste du surréalisme, un ouvrage qu'il attribue en passant à Aragon. Alors qu'il a été rédigé par André Breton. Oui, bien entendu. La suite est pitoyable. Nano est envoyé de prison en prison. Tulle, Limoges, Brive, Fresnes, Marseille, Nîmes, etc. Sans compter un hôpital psychiatrique en Corrèze, son lieu de détention le plus pénible. Parce qu'il est toujours considéré comme un malade mental, alors. En tout cas, même si son état s'est amélioré, il souffre toujours des séquelles, des violences qu'on lui a infligées. Toutefois, il y a eu une éclaircie. Son séjour au pénitencier de Casabianda, en Corse. Oui, je connais, c'est une sorte de ferme-prison. Oui, c'est ça. Oui. Les détenus jouissent d'une relative liberté, et surtout là, Nano, le paysan, se retrouve dans son élément, s'occuper des bêtes, faucher, cultiver, et il recouvre une certaine joie de vivre. Cependant, il va finir par demander à retrouver une prison ordinaire. Mais pourquoi alors? À Casabianda, Nano estime qu'il a trop de distractions. Mais il ne devrait pas se plaindre. Sans doute. Mais pour lui, c'est autant de moments pris sur la lecture et l'écriture. Or, il veut consacrer tout son temps disponible à se cultiver. Une véritable boulimie de lecture l'a saisi. Et il apprend aussi l'anglais. Si je comprends bien, il rattrape le temps perdu. Certainement. En outre, il faut le souligner, en dehors de ses séjours à l'hôpital psychiatrique, il ne se plaint jamais de ses conditions de détention. Bien au contraire, il loue l'humanité de ses gardiens. Un prisonnier docile, donc. Et qui, détenu modèle, espère bien bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle. Mais celle-ci lui est une première fois refusée, alors qu'il a déjà effectué plus de la moitié de sa peine. Nano ressent très cruellement cette décision, d'autant qu'il voit certains droits communs emprisonnés avec lui obtenir leur libération alors qu'ils ont commis des actes autrement plus graves que ceux qu'on lui reproche. Que se passe-t-il alors? Est-ce qu'il se révolte? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Nano est envoyé au mitard. Oui, la prison dans la prison. Oui. Et enfin, en juin 1960, il obtient sa libération, mais ce retour à la liberté lui est fatal. Quoi, une sorte d'ivresse? Je crois que c'est le mot juste. Cette liberté recouvrée lui monte à la tête. Et il est, de son propre aveu, victime d'une crise de confusion mentale. Encore une fois, que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement, mais selon certains témoignages, il se serait promené tout nu dans une rue du village. En tout cas, cette exhibition, si elle est vraie, lui vaut d'être à nouveau conduit à l'hôpital psychiatrique, puis en prison. Attentat à la pudeur. Naturellement. Et la suite est encore plus confuse. Nano est bien retourné à sa terre, cette terre qu'il aime tant. Mais entre deux périodes de parfaite lucidité, son esprit vacille à nouveau. Nouvelle hospitalisation et pour finir, le drame. Au printemps 1962, Nano, 41 ans, trouve la mort au cours d'une crise de démence. Enfin, c'est la version officielle. Et on n'en saura pas plus. Écoutez, mort de folie, c'est quand même bizarre, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je vous l'ai dit, je ne peux pas en dire plus. Et ensuite, c'est l'oubli? Un très long oubli, oui. Et à vrai dire, dans la région, personne n'a réellement envie de ressusciter ce personnage embarrassant. Ce bouc émissaire, avez-vous dit. Heureusement, à la fin des années 80, un éditeur et écrivain limousin, qui autrefois a bien connu Nano, se met en devoir de réhabiliter le poète paysan. Et son livre réveille les mémoires. Et les remords? Ça, c'est moins sûr. Enfin, ça fait parler, en tous les cas. À Paris, votre confrère, Jérôme Garcin, consacre un grand article à Nano dans l'événement du jeudi. Et des journalistes locaux, même s'ils avouent aujourd'hui qu'ils se sont censurés, rendent compte de ce livre. L'un d'eux, Alain Galland, évoque même le Dreyfus limousin. En effet, oui. Mais vous avez parlé de réhabilitation. Une réhabilitation morale et intellectuelle, oui. Mais au fond, serait-il possible qu'un jour, Nano soit réellement réhabilité? Par la justice, vous voulez dire? Oui. Pourquoi pas? Enfin, après tant d'années. Et puis pour réviser le procès, il faudrait fouiller dans un passé qu'aujourd'hui encore, beaucoup de familles préfèrent oublier tant il est nauséabond. Pour finir, lisons une autre lettre d'Henri Nano écrite au début de sa détention. Lettre produite dans l'ouvrage de René Rougerie, Un amour fou de liberté, livre publié par les éditions Lucien Souni. Emprisonné, Nano ne cesse de penser à sa ferme qu'il a dû abandonner. Voici ce qu'il écrit à ses parents. Dès maintenant, prévenez le voisin Frachet que je ne ferme plus son pré et son petit champ, et vendez une de mes vaches jeunes que j'avais laissées. Il ne faut pas compter me voir revenir avant plusieurs années, mais ne désespérez pas, peut-être on se reverra. Bazardez mes pommes comme vous pourrez, si vous pouviez m'en envoyer un petit colis avec une chemise et quelques autres bricoles, ça me ferait plaisir. Vous voyez que je me rattache à l'existence, tout misérable que je suis. J'ai deux dents bien malades. Si vous pouviez m'envoyer un mandat de 10 000 francs, je pourrais peut-être les faire arranger. Quand je serai au régime pénitentiaire, je gagnerai un peu d'argent en travaillant et ne vous demanderai rien. Pauvre père et mère, je vous en prie, ne vous faites pas de bile. Au début de juin de l'année dernière, j'ai passé si près de la mort. Ce n'aurait pas été pire pour moi, car j'aurais moins souffert, mais pour vous, cela vous aurait plus secoué. Vous savez, j'ai la conscience tranquille. J'ai toujours essayé d'être honnête et loyal. Je ne croyais pas avoir suscité une pareille haine, et je ne croyais pas qu'il y eût des gens aussi bas et aussi mesquins. »